الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في تجريد توحيد المفيد سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض توقفنا في آخر الحلقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى والناس في هذا الباب أغني زيارة القبور ثلاثة أقسام قال قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية ثم قال وثانيا وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة ثالثا وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية ذكر المصنف رحمة الله عليه أقسام الناس في هذا الباب في باب زيارة القبور donc on va continuer inchallah sur la lecture du livre Tajrid Tawhid Al-Mufid et donc hier on s'est arrêté dans la dernière assise concernant la parole de l'auteur lorsqu'il va citer les trois catégories de visites des tombes la première catégorie ça va être la catégorie qui est légiférée puisqu'on a le droit religieusement le prophète sallam a autorisé de visiter les tombes, les morts, donc de se rendre dans les cimetières, avec un comportement qui convient. La deuxième catégorie, qu'a cité l'auteur aussi, et il va citer une troisième catégorie. Donc dans la dernière assise d'hier, on s'est arrêté sur ça. On s'est arrêté là, et on va reprendre, Inch'Allah. On va reprendre plus en détail. Donc la première catégorie, on a dit, c'est la catégorie autorisé. On avait dit qu'il y avait deux faïdas. Faïdatan. Deux faïdas, deux bienfaits, ou deux enseignements, ou deux choses bénéfiques dans la visite des tombes. La première chose, elle est atibar ou tirad, comme on avait dit. Le fait de tirer le son et de se faire le rappel. Parce que le prophète Ansem nous dit fa'innaha tuzakkir al-akhira. On est dans une version fa'innaha tuzakkir al-akhira. Parce que celle-ci vous rappelle l'au-delà. Et la deuxième, annaka tad'u lil-mayyit. Le deuxième bienfait, ici, c'est pour invoquer en faveur du défunt. En faveur du défunt. Et ça, on l'a mentionné hier. La deuxième catégorie, c'est le fait de visiter, il dit, wa qawmun yazurunahum yad'una bihim. Ceux qui les visitent pour invoquer Allah Azza wa Jal par eux. C'est-à-dire les prendre comme intermédiaires et intercesseurs. Ça, c'est du polythéisme. Ça, c'est interdit. Et c'est une forme de polythéisme dans le domaine de la divinité et de l'amour. Fi al-ilahiyati ou al-mahabba, comme dit l'auteur. Et la troisième catégorie de visiteurs, ceux qui visitent pour invoquer les occupants de ces tombes, les morts directement. Les morts directement. Wa hawla al-mushrikuna fi al-rububiyya. Et là, c'est un polythéisme dans la seigneurie. قال مصنف إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد. قال والخلاصة et l'auteur de إفادة المستفيد il va résumer cela en disant والخلاصة en conclusion en résumé أن الذي يزور القبر لا يخلو من ثلاث حالات. Dans la visite des tombes, le visiteur dans la visite, ou pour les visiteurs des tombes, et dans la visite des tombes, celle-ci n'est pas exclue de trois situations. Il dit, je vous traduis littéralement la parole du commentateur de l'auteur de Ifadat al-Mustafid. Il dit, يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ فَهَذِهِ زِيَارَةٌ مَشْرُوعَ. Lorsque le visiteur visite une tombe à mort pour invoquer en sa faveur, c'est interdit ou permis? Là, c'est permis. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de confusion. أو يزور القبر يدعو الله عند قبر الميت. Ou bien maintenant, deuxième situation, il visite la tombe pour invoquer Allah Azza wa Jal auprès de la tombe ou auprès du défunt. Là, c'est quoi le statut ? Le jugement religieux ? Il va auprès d'une tombe pour invoquer Allah Azza wa Jal auprès de cette tombe. C'est légiféré ? C'est interdit ? C'est du shirk ? Arsène, c'est shirk, akbar, asrar. Il invoque Allah auprès de la tombe. Il va visiter une tombe et lui, il va invoquer Allah auprès de la tombe. Bida, ça c'est une innovation. Arsène Toum, hadi bida. On l'appelle ziyaratun bida'iya. Ziyaratun bida'iya. Et on a dit, c'est ça qui est sous-entendu dans le hadith. اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد. À savoir que le prophète, ça c'est ces hadiths-là, où il a cité des communautés précédentes. Et le prophète a interdit de prendre les tombes des prophètes, comme le faisaient beaucoup avant. Et que le prophète, ça c'est la'ana, a maudit ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, comme masajid, comme mosquée. Sachez que le prophète, ça c'est a dit cela juste avant de mourir. Le prophète, sallam, lorsqu'il souffrait de sa maladie, qui ensuite, le prophète, sallam, va quitter, qui va être la cause qu'il va, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières, les bénédictions soient sur lui, va quitter ce monde. Juste avant de quitter ce monde, le prophète, sallam, se couvrait le visage. Il se couvrait le visage, il est rapporté avec un vêtement, et ensuite, il se découvrait le visage. Et lorsqu'il se découvrait le visage, il disait cela. Il interdisait de prendre les tombes des prophètes comme masajid. Et il se découvrait le visage et il disait cela. Et ça, c'était juste avant la mort du prophète, sallam, comme le relate l'une de ses épouses. Et donc, on avait dit que des savants disent « Ittikhad al-qubur masajid », ça sous-entend deux choses, on avait dit. Soit penser que c'est un lieu propice pour l'adoration d'Allah, comme beaucoup pensent, certains se rendent vers les tombes et ils en font des lieux de prière. Dans le sens que eux pensent que c'est un lieu bon et propice pour invoquer Allah, pour prier Allah, pour implorer Allah Azza wa Jal. Donc eux, ils vont implorer Allah, ils vont prier Allah, ils vont invoquer Allah. Yataharra al-makan. Donc ça sous-entend taharri al-makan, comme disaient les savants. Et la deuxième chose, c'est al-bina. Al-bina, al-al-qubur. Le hadith du prophète Ansem sous-entend l'interdiction des deux. Sous-entend l'interdiction des deux. Donc on avait dit, ne serait-ce le fait d'invoquer, de prier notre Créateur subhanahu wa ta'ala auprès de ses tombes, c'est une ziyara bid'iyya. C'est interdit. C'est interdit. Quel est le cas ensuite ? Et on passe à la deuxième forme de visite. Si maintenant on veut prendre l'occupant de cette tombe comme intermédiaire. De sorte qu'on pense que celui-ci va intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour nous. Et donc, ensuite, certains les prennent comme shufa'a. Et donc, yatawassaluna bil amwat. Ils les prennent comme intermédiaires. Ça, c'est interdit. Et troisième aussi, qui est interdit si là, le mort est adoré directement. Ils se rendent vers cette tombe pour adorer directement le défunt. Qala wa hadihi. لأن القبلة يدعى عندها ولا يصلى عنده أو يزور القبر ليدعو الميت فهذا شرك أكبر. Et donc vous avez vu qu'il y a des questions qu'on peut dire traitées d'une manière générale, mais ensuite le détailler de chaque situation, ça c'est selon les intentions. Donc chaque situation parfois ou certaines questions demandent du détail, mais parfois les savants ne détaillent pas. Il parle d'une manière générale. Il parle d'une manière générale. Donc parfois, lorsqu'on a le terme shirk, dans certains textes, lorsque le prophète sallam cite qu'une chose, une conviction ou une action, c'est du shirk, ça peut sous-entendre le grand shirk, comme ça peut sous-entendre le petit shirk, la petite forme de polythéisme. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux textes, c'est cité d'une manière générale. Inna ar-ruqa wa at-tamaim wa tiwalat ash-shirk. Par exemple, dans un hadith, le prophète ensemble dit Inna ruqa, l'exorcisme, qui est cité au pluriel. Wa tama'im, c'est le pluriel de tamima. Le prophète dit certes, l'exorcisme, les talismans, wa tiwala tashirk, et l'ensorcellement, les sortilèges, sont du polythéisme. Il est cité d'une manière générale. Ensuite, il y a une explication à chacun. Les talismans, par exemple, ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. Il y a différentes catégories de talismans. Des talismans, lorsqu'on pense que le talisman lui-même, yenfer, wayadur, istiklal, anmidunillah, il peut ramener un profit, ou bien il peut nuire, indépendamment de la volonté d'Allah, lorsqu'on a cette conviction, c'est une situation et c'est un statut. C'est un jugement. Lorsqu'on pense juste il est cause, la yadur wa la yanfar lakinnahu sabab, c'est une cause, mais ce n'est pas en lui-même le talisman qui accorde profit ou nuisance indépendamment de la volonté d'Allah. Mais on pense que certes Allah azza wa jal alladhi yanfar wa yadur lakin, mais ce talisman là on pense que c'est une cause, c'est un sabab pour qu'Allah azza wa jal nous accorde profit ou autre, par le biais de ce talisman. Ça, c'est un autre jugement. C'est un jugement. Mais c'est une forme de polythéisme chez les grands savants, qui est mineure. Qui est mineure. Il y a une autre catégorie de talisman, par exemple, qui est faite de Coran. Lorsque c'est fait de Coran. C'est un autre jugement chez les savants. Mais, ça n'exclut pas que parfois, on peut parler d'une manière générale. Le fait de dire, At-tama'im shirk, c'est ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les talismans sont polythéismes. On n'est pas rentré dans les détails de « Hal huwa shirkun akbar » ou « asghar » ou « bid'a » ou « mubah » madkhalna fi hadha. On n'a pas évoqué le détail de cela. Mais on peut évoquer d'une manière générale. C'est pour ça que souvent les savants ne détaillent pas. Regardez, déjà, là ça nous a pris au moins 2-3 minutes de citer cela. Les savants vont dire « At-tamim shirk » conformément au récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comme cela va venir, inshallah, lorsqu'on va parler du polythéisme à travers les paroles et les propos. Ça va arriver, l'auteur va donner des exemples. Puisque vous avez pu remarquer que là, l'auteur nous parle des formes de polythéisme liées aux actes, aux intentions, ça va venir, et aux propos, puisqu'il cite, il a cité les actes, les propos, les intentions, l'iradat. Et donc, il est en train de détailler chaque catégorie. Lorsqu'on parlera de la catégorie des propos, vous verrez par exemple al-halif. Dans le hadith, il est dit Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui a juré par un autre que le Créateur, par un autre qu'Allah, il a certes donné un associé à Allah Azza wa Jal. Il a commis du shirk. Mais il n'est pas stipulé quelle forme de shirk. C'est cité d'une manière générale. Ça ne veut pas dire que c'est le grand polythéisme. Pourquoi ? Parce qu'on sait à travers la lecture et l'étude des textes que le polythéisme lié aux propos et aux paroles, c'est un polythéisme mineur. C'est la règle de base. Tant que celui-ci n'est pas accompagné d'une conviction. Donc le fait de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal, fahada shirkun ashar. Mais dans le hadith, c'est cité d'une manière générale. Alors on continue. Maintenant, une question se pose. Et l'auteur, justement, avec ce qui suit, c'est comme si qu'il répond à cette question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de transformer les tombes en mosquées, littéralement, en lieu de prosternation, masjid, ismun makan, makan sujud, al makan alladhi yusalla fi ou yusjad fihi, donc en mosquée. Pourquoi? Même si c'est Allah azza wa jal qui est adoré et prier. Puisque comme on l'a dit, l'auteur, regardez qu'est-ce qu'il dit au début, avant de citer tous les récits qu'il a mentionnés, il dit une parole qui prouve que lorsqu'on a dit, et c'est l'explication des savants, lorsqu'ils disent que juste le fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès d'une tombe, c'est interdit, c'est le sens du hadith, ittikhad al-qubur masajid. Et ce qui prouve aussi cela, c'est l'écrit de l'auteur, lorsqu'il a cité les récits, il dit وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ. يصلى لله فيها يصلى لله فيها. Vous avez dit يصلى لله فيها. Lorsqu'on prie pour Allah, c'est interdit. Pourtant, on adore Allah. On prie Allah Azza wa Jal. Après, il dit فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله. Alors, quel est le cas ensuite de prendre cet homme comme une idole, une divinité adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le musulman qui comprend la parole La ilaha illallah ne peut pas faire cela. Imaginez-vous comme ça va venir. Une personne qui dit Masha'Allah wa shayt. Quand il avait dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Masha'Allah wa sha'a Muhammad. Le prophète lui a dit m'as-tu rendu semblable à Allah? Juste une parole. Allah veut et toi tu veux. Le prophète dit cela. Quel est le cas du domaine de l'adoration, de la vénération d'un autre qu'Allah Azza wa Jal? Al-Muhim. Alors, on a dit, imaginez-vous, juste adorer Allah Azza wa Jal. La personne, il est proche d'une tombe, il adore Allah, il prie Allah, il invoque Allah. Lui, son but, c'est de se rapprocher d'Allah, mais il pense que cet endroit, on lui dit, mais pourquoi tu fais des adorations, tu stationnes à cet endroit? C'est ce qu'on appelle Al-Ukuf. Ukuf. Et c'est connu, ça. Chez les pratiquants de ce genre de pratique, Ya'kifoun. Il reste, il stationne, hein. Vous savez, vous allez dans certains pays, on parle de pays musulmans, vous allez voir des gens le matin, jusqu'au coucher du soleil, il est là. Il ne bouge pas. Tu dis, Ejtsaoui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lui, il dit, Hazal Meken, et toujours il pense qu'on ne sait pas, et que les autres ne savent pas. Toujours il dit, toi tu ne sais pas. Cet endroit-là, c'est un endroit, il faut invoquer Allah, il faut prier Allah. Le prophète l'interdit. Pourquoi le prophète l'interdit? Malgré que, invoquer Allah à cet endroit, la personne n'a pas fait du shirk. Comme on l'a dit. Véritablement, en réalité, la personne n'a pas fait du shirk. Mais elle est appelée ziyaratun bid'aïya. C'est une ziyara qui est bid'aïya. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le jugement. Le jugement. C'est comme tawaf. Dans un autre endroit que la Kaaba, les savants disent pas que c'est interdit, mais ils disent pas que c'est du shirk, tant qu'il n'y a pas de conviction. Al-Muhim, pourquoi le prophète l'a interdit? C'est pas du shirk. L'auteur répond, et c'est la suite, regardez ce qu'il dit. Wahada, ça c'est très important. Vous allez le retrouver dans les livres, c'est détaillé. Pour comprendre l'appel du messager d'Allah. Qala, wa qad hama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam janib at-tawhid a'zam himaya. تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين والسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. Regardez ce qu'il dit. Il dit tout cela, c'est pour préserver. Le prophète a préservé les limites du monothéisme. Il a protégé les limites. Il y a un enclos défendu. Il y a des limites à ne pas dépasser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous observez l'appel, et ça c'est le souci de tout croyant. Nous, notre souci, c'est vraiment, premièrement, de connaître Allah. Ma'rifatullah. Puisque c'est lui qu'on adore, ou al-Ma'bud. On doit connaître notre adoré. Et connaître an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'rifatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et connaître le messager d'Allah. C'est notre modèle. C'est celui qu'on aime, qu'on suit. Ou al-Qudwa, ou al-Habibuna, ou al-Uswatuna. C'est vraiment notre exemple, notre modèle. On doit le connaître. On doit connaître le messager d'Allah. On doit connaître toute sa vie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait dans des situations? Et si vous méditez des situations, ajib, vous voyez des choses, c'est là que vous vous rendez compte des valeurs qu'avait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, qui est le créateur des mondes, le créateur de l'univers, Allah avait prédestiné qu'il allait envoyer le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Vous pensez qu'Allah, azza wa jal, le créateur, toute personne qui connaît Allah, qui connaît le créateur, comment il gère cet univers? Allah choisit qui il veut et à lui qui il veut pour transmettre et porter cette révélation. C'est nous qui allons qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes. Regardez le premier discours que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine. Situation très difficile. Il quitte la Mecque. Avec toute la situation que vous connaissez qu'il y avait à la Mecque. Tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ont subi à la Mecque. Très dur. Il quitte sa terre natale, qu'il aimait tant, la terre sacrée. Il arrive à Médine. Médine, c'est un contexte économique, religieux et social qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont migré de la Mecque à Médine sont dépourvus de leurs biens. Ils ont tout laissé à la Mecque. Et donc, lorsqu'ils arrivent à Médine, ils n'ont pas de biens. Ils n'ont rien. Beaucoup d'entre eux ont laissé leurs biens, leur commerce. Comme nous, on dit de nos jours, notre entrée d'argent. Tout, ils ont laissé tout ça là derrière, à la Mecque. Et donc, ils vont vers une ville, Al-Madina, Yathrib, à l'époque, ils vont vers une ville où ils n'ont pas de famille. Ils connaissent pas les gens de cette ville. Ils n'ont pas de biens, ils n'ont pas de commerce. Ils ne savent pas, la situation économique était difficile. Et les Ansar, les gens de Médine, les Médinois, devaient accueillir Al-Muhajiroun. Ensuite, il y avait une situation aussi politique qui était compliquée, du fait qu'il y a des gens à la Mecque qui veulent garder leur pouvoir. Donc vous avez vu, si vous observez la situation économique, sociale et religieuse de l'époque, lorsque le prophète arrive à Médine, une nouvelle terre pour lui et ses compagnons. Et ses compagnons arrivent dépourvus de tout. Sauf que, dépourvus de tout au niveau des biens mondains. Sauf qu'ils arrivent avec une richesse immense. Pour beaucoup d'entre eux, pour les premiers qui ont embrassé l'islam, ils ont fait 13 ans de tawhid avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus d'une dizaine d'années d'enseignement, d'éducation par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette situation qu'on a décrite de Médine, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, le premier discours qu'il va faire aux Médinois, dans toute cette situation, alors des gens se diront, il va faire un discours politique. Il faut convaincre les gens. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur dire ? Imaginez-vous, vous, à cette place. Alors les gens vont faire un discours économique, social. Ça va être quoi le discours ? Il faudra convaincre les gens. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Il y a des gens qui convoitent le pouvoir, qui veulent garder un certain pouvoir, une certaine prestance dans leur... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur dire le célèbre récit, Afshu salam, wa ta'imu ta'am. C'est le célèbre hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire « Répandez le salam, nourrissez les autres, wasilul arham, tadkhulul jannata bisalam. » Ajib. Vous imaginez, le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit ? Dans une situation comme ça, il va faire un discours. Il leur dit « Répandez le salut, nourrissez, donnez à manger aux autres. » Il leur dit aussi « Et tenez, maintenez le lien de parenté. Vous rentrerez au paradis en paix. » Subhanallah. Aucune maslaha dunyawiya. Regardez les valeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ça, faut les méditer. Et ça, à force de lire dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie du combat, on se rend compte vraiment de la grandeur, on dit entre guillemets, du personnage, de la personne, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous observez ça, da'wa maintenant, janib da'wa, l'aspect concernant l'appel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préservait les limites du monothéisme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre les tombes comme mosquées, comme lieu de prosternation ou lieu de prière. Et le prophète préservait les limites du tawhid. Il préservait les limites. Pourquoi ? Parce que c'est le droit d'Allah. Azza wa Jal. Qu'il soit adoré seul et uniquement. Que cette adoration soit pure et exclusive. C'est le droit d'Allah Azza wa Jal sur les serviteurs. C'est pour ça le hadith, le célèbre hadith, que va mentionner l'auteur du livre, le livre de l'unicité. Dans le premier chapitre, il va citer l'immense hadith de Mu'adh ibn Jabal. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur son âne, Et là, les savants, dans l'explication, ils disaient, regardez la modestie du prophète, Anselme. Le meilleur des hommes, l'élu du Créateur, il montait un âne ce jour-là. Il avait un âne. Et ce qui prouve sa modestie, le prophète, Anselme, il va faire monter un compagnon derrière lui. C'est pour ça que Mu'ad kan radifan. Regardez, le prophète, Anselme, fait monter Mu'ad. Il aurait pu le faire marcher à côté de lui. Il le fait monter avec lui. Et tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait enseigner son compagnon Al-Khair, qu'est-ce qu'il va lui enseigner? Le prophète va lui enseigner quelque chose. Sauf qu'il ne va pas lui enseigner quelque chose d'insignifiant. Il va lui enseigner une chose que la majorité des compagnons n'ont jamais su. Et ils sont morts et ils n'ont pas su ça. Et ça, c'est l'auteur du livre de l'unicité qui va le mettre film Masail à la fin. Ce que va lui enseigner le prophète, la majorité des compagnons ne le savaient pas et ne l'ont pas su. Subhanallah. Dernier Mu'ad. Connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Ata'alam haqq Allah ala l'ibad wa haqq l'ibad ala Allah. Mu'ad, regardez l'éducation. Nous, à notre époque, même si on ne sait pas, on va inventer une chose. Mais il faut qu'on réponde quelque chose. Mu'ad a dit « Allahu wa rasuluhu a'lam ». Il a dit « Allah et son messager sont plus savants ». Et là, le prophète de lui dire « Le droit d'Allah, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ». Le droit d'Allah, c'est de l'adorer sans lui donner d'associé. Da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, beaucoup, ils vont vous enseigner tout. Mais sauf « Haqqullah ala al-ibad ». Ils vont tout vous enseigner. Mais haqqullah ala al-ibad, vous n'allez pas l'entendre. Je ne sais pas comment ils font. Le prophète, alors qu'il était avec un compagnon qui est derrière lui, il lui apprend haqqullah ala al-ibad. Donc de l'adorer sans lui donner d'associé. Mais maintenant, quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et là, juste le fait d'aujourd'hui d'entendre ce hadith, c'est une immense nouvelle. On a besoin, nous. La vie est difficile, on a besoin de bonnes nouvelles. Puisque, en réalité, on est là pour adoucir les cœurs. Par la grâce d'Allah, Azza wa Jal. Alors là, le prophète lui dit, et le droit des serviteurs sur Allah, c'est de ne pas les châtier, de ne pas les punir, tant qu'il ne lui donne pas d'associé. Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il entend cela, il sait. Il sait la valeur de l'information. Donc il n'a pas dit au prophète, puis-je informer? Afala ukhbir an-nas, il n'a pas dit ukhbir an-nas. Il a dit, afala ubashir an-nas, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il aurait pu dire, puis-je informer? Mais il sait que là, c'est une nouvelle qui est immense. Mais imaginez-vous, si on ne donne pas d'associé au Créateur, Allah la yu'adzibuk. C'est ajib, c'est immense. Ma yafalallahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Que voulez-vous qu'Allah fasse de votre châtiment si vous avez remercié et cru en lui? Subhanahu wa ta'ala. C'est immense. Alors le prophète sallam lui a dit, non, ne leur annonce pas la bonne nouvelle. Fayattakilou. Ils vont se reposer sur ça. Et là, à la fin de le Masail, dans le kitab Tawhid, de l'unicité, l'auteur dit, la majorité des compagnons ne le savaient pas. Et Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, dans son commentaire, il va l'expliquer. Il va dire, en fait, Mu'adh ibn Jabal, tout au long de sa vie, il a respecté ce que lui a dit le prophète, sallam, de ne pas le dire. Donc il ne l'a pas dit. Sauf qu'à la fin de sa vie, il ne voulait pas tomber dans ce qu'on appelle kitman al-ilm, le fait de dissimuler un savoir, une science. Alors avant de mourir, il l'a dit. Sauf que les savants, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, sauf qu'à cette époque-là où il va le dire avant de mourir, la majorité des compagnons sont morts et sont décédés. Radiallahu ta'ala anhum. Donc beaucoup de compagnons ne l'ont pas su, ce hadith-là. Imaginez-vous l'information. Imaginez-nous, walillahil hamd, on connaît ce hadith-là qui est immense. C'est une nouvelle qui est immense. Alors ensuite, donc on se dit, si on ne veut pas qu'Allah nous châtie, il ne faut pas lui donner d'associé. Eh bien, il faut apprendre. Parce que plus les générations passent, et plus les temps passent, se succèdent, vous avez vu, ensuite ça se modernise, et les formes de polythéisme, on va pas dire mutent, mais se paraissent. se transforme. Il y a de nouvelles formes qui apparaissent. Il faut connaître. Des nouvelles formes de politisme dans les propos. Avant, il disait dans les siècles précédents des propos qui étaient considérés comme des formes de politisme à travers les propos. Mais aujourd'hui, on a peut-être des propos, on ne sait pas. On dit des choses chaque jour, on ne sait pas, c'est des formes de politisme. Beaucoup de gens disent, telle nation, ce sont les maîtres du monde. Ah, t'as shirk. Il n'y a pas de maître du monde. Moi, je connais pas de maître du monde. On ne connaît pas de maître du monde à part Allah Azza wa Jal. Le souverain absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parfois, on a des propos, on ne s'en rend pas compte, pour nous c'est infime, on n'accorde aucune attention, mais ça peut mettre en colère notre créateur. Inna ar-rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nar 70 khalifa. Dans un hadith, le prophète Sam dit, certain homme profère une parole dont il n'accorde aucune attention, la yulqi laha balan. Il n'accorde aucune attention. Mais cette parole, c'est une parole qui attire le mécontentement, la colère d'Allah Azza wa Jalla. Lui, il ne savait pas. Pour lui, cette parole, elle est infime. Il te kallam. Il y a des gens, ils parlent. Et même si vous faites l'appel, vous dites, arrête. Il parle. Le prophète dit, inna ar-rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah. Une parole qui attire le mécontentement, la colère d'Allah Azza wa Jal, et lui sera précipité en enfer à 70 printemps. Il ne sait pas, parce que la yulqi laha balan, et dont l'importance d'apprendre. Regardez donc l'auteur, il dit, le prophète a préservé les limites du monothéisme, conformément au verset Iyaka na'bud, pour réaliser justement le verset, au Seigneur c'est toi que nous adorons. Iyaka na'bud, Iyaka wahdak, c'est toi seul et uniquement que nous adorons. Et c'est pour cela que vous connaissez, on sait, alhamdoulillah, on a appris que, par exemple, il y a des temps d'interdiction pour la prière. Il y a des temps où on ne prie pas. Par exemple, après salat al-subh, et après salat al-asr, on ne prie pas. Pourquoi ? Parce que c'est des moments où les adorateurs du soleil se prosternaient pour le soleil. Par exemple, où on ne prie pas, عند غروب الشمس, عند طلوع الشمس, lors du lever du soleil et lors du coucher du soleil. Pourquoi ? C'est des moments où les adorateurs du soleil se prosternent pour le soleil. Qal Ibn Qayyim dit une très belle parole. Il dit pourtant le musulman, il n'assiste pas à cette cérémonie en quelque sorte. Il n'est pas avec les adorateurs du soleil à se prosterner avec eux. Ou bien il n'assiste pas, il n'est pas là. Même s'il y a des gens dans le monde, par exemple, à ce moment-là, qui se prosternent pour le soleil, par exemple, ou dans les générations précédentes, se prosterner pour le soleil, le musulman, lui, n'est pas là, n'assiste pas. La yahdur. Pourtant, même si on n'assiste pas, c'est permis ou c'est pas permis ? On ne prie pas. Pourquoi on ne prie pas ? Comme a dit l'ulama, حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبب بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. Ce n'était pour pas ressembler aux adorateurs du soleil. Donc imaginez-vous celui qui veut prier Allah, s'incliner pour lui, se prosterner pour lui, l'invoquer, réciter du Coran, il ne le fait pas en ce temps. Après Salat al-Subh, par exemple, ou là, plutôt, il est dit « وَسَدَ الظَّرِعَ بِأَنْ مَنَعَ مِنْ صَلَاتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَسَبْ لِتِّصَالِ هَدَيْنِ الْوَقْتَيْنِ » Et donc, ni au coucher du soleil, ni au lever du soleil, ni après Sobh, ni après l'Asr, du fait que c'est lié avec ce moment-là et ce temps-là. Et donc, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien qu'il préservait. Il préservait les limites et fermait toutes les portes, toutes les voies menant vers le polythéisme. Il fermait toutes les voies menant vers le polythéisme. Maintenant, en ce qui concerne les tombes, pour terminer le sujet, une grande question que beaucoup de musulmans se posent, et de musulmanes, et autres aussi peuvent se poser. Bah, pourquoi la tombe, beaucoup se posent la question, pourquoi la tombe du prophète sallam, est dans la mosquée du prophète sallam, à Médine, aujourd'hui. Beaucoup disent, mais regardez, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans sa mosquée. dans la mosquée sacrée à Médine. Et donc, certains même ont déduit, donc ça veut dire qu'il n'est permis de bâtir une mosquée sur une tombe, par exemple, ou à l'inverse, de rentrer une tombe dans une mosquée. Et beaucoup ont déduit de cela. Par exemple, dans une mosquée dont il y aurait un mort enterré avec une tombe, dans la mosquée, beaucoup diraient, bah c'est comme à la mosquée à Médine du prophète, sans salam, et ils déduisent de cela. Or, cette compréhension est fausse. Pourquoi ? Parce que personne ne peut dire, bil ijma, avec un consensus et un accord, que le prophète a été enterré dans la mosquée. Le prophète n'a pas été enterré dans sa mosquée. Le prophète, sans salam, a été enterré fi hujrati Aïcha, dans l'appartement de Aïcha, bil ittifaq. Il n'y a aucune divergence sur cela, il n'y a un accord. Donc le prophète, il était enterré dans l'appartement de Aïcha. Et vous savez que le prophète, sans salam, lui-même a construit la mosquée. Et ensuite, il a construit aussi les appartements. Et donc, les appartements étaient Bimujawarat al-Masjid al-Nabawi, à côté, proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était proche. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions soient sur lui et les prières soient sur lui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, sallallahu alayhi wa sallam, alors les compagnons divergèrent sur l'endroit où devait être enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient enterrer le prophète après sa mort, jusqu'à ce qu'ils furent informés, un compagnon les informa d'un hadith qu'il a entendu du messager d'Allah, qui dit que les prophètes sont enterrés dans le lieu où ils décèdent, où ils meurent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré dans l'appartement où il décéda. Au même endroit, il fut enterré. Et ensuite, il fut rejoint à côté de lui par ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Donc, à l'époque, déjà des califes, bien guidés, il fallait parfois agrandir la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque des quatre califes bien guidés, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été toujours à l'extérieur de la mosquée. Toujours. Et jamais elle n'était introduite dans la mosquée. Et cela pendant l'ère des quatre califes bien guidés, la tombe du prophète n'a jamais été introduite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le temps passa comme cela. Le temps passa comme cela. Les années passèrent et s'écoulèrent. Et la tombe du prophète, malgré qu'il y a eu des expansions, des agrandissements, mais jamais de ce côté. Jamais du côté des appartements des épouses du messager d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à l'ère de Al-Umayyin, l'époque des Omeyyades. Jusqu'à l'époque de l'empire Umayyad. Où là, il y a eu une grande expansion de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'appartement de Aïcha fut introduit par l'expansion. Donc, est-ce qu'une personne, quel que soit son degré de science, est-ce qu'un savant de la communauté peut dire que la tombe du prophète ou bien le prophète a été enterré dans la mosquée ? Abadan. Personne ne peut dire que le prophète était enterré dans la mosquée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait qu'il soit enterré dans la mosquée ? Non. Est-ce qu'il y a des récits qui disent qu'il faille enterrer les morts dans les mosquées ? Là. Le prophète fut enterré dans son appartement à l'extérieur, en dehors de la mosquée. À l'époque des compagnons, est-ce qu'ils ont introduit là ? Abadan. Jamais. À l'époque de Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, les quatre califes bien guidés, jamais introduit la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est fait à l'époque de l'Empire Omeyyade, lorsqu'il y a une grande expansion, et là ils ont introduit la tombe. Al-Hada Delil, ce qu'ils ont fait à l'époque des Omeyyades, c'est une preuve ? Un argument qu'il faille le faire ? Non. Et Sabi Dalil ? Premièrement. Deuxièmement, même lorsque la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduite, c'est-à-dire l'appartement, en vérité elle est adjacente. En réalité, elle n'est pas dans la mosquée. Directement. Pourquoi ? Parce que Il y a des murs qui séparent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée. Donc c'est séparé par des murs. C'est pour cela que même la question fut posée. Pourquoi il y a des murailles ? Il y a, vous avez vu, lorsque vous saluez le prophète et ses deux compagnons, pour ceux qui visitent la mosquée du prophète, en somme, fil Madina, vous avez vu, il y a des sortes de portes en fer, sortes de murailles. Pourquoi ce sont des murailles ? Certains ont déjà posé la question à des savants, pourquoi n'avons-nous pas mis des portes vitrées ? Comme ça, on pourrait voir la tombe du prophète et ça nous ferait le rappel. Et là, des savants ont répondu. Ont répondu que le but, ce n'est pas de voir la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même si les portes que vous voyez d'apparence, ces sortes de murailles en fer, elles étaient vitrées, vous ne verrez pas la tombe du prophète. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des murs. Et la tombe du prophète est entourée de murs, de trois murs, triangulaires. Et donc, on ne peut pas pénétrer et rentrer et invoquer ou se recueillir devant la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle est protégée, la tombe du prophète, elle est entourée de murs. Et donc, il y a une séparation entre la mosquée et la tombe du messager d'Allah et de Abu Bakr et de Omar. Donc aujourd'hui, tous les millions de pèlerins qui vont visiter, subhanallah, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils veulent se recueillir, même s'ils voudraient se vautrer sur la poussière de la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils voudraient la toucher, ne le pourraient. Ils ne pourraient pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle est protégée et entourée de murs. On n'a pas accès. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد الرسول الله. Donc pour terminer, donc comme on l'a dit précédemment, donc en réalité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est adjacente à la mosquée, est adjacente à la mosquée. Donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans la mosquée à la base, à l'époque des compagnons, des quatre califes bien guidés, et ce n'était pas l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il fut enterré dans l'appartement de son épouse Aïcha, et pendant toute la période des quatre califes bien guidés, du califat des califes, des quatre compagnons, elle était à l'extérieur. Et même après, jusqu'à, on a dit, le khilafat al-dawla al-umawiyya, jusqu'à qu'il y ait l'empire omeyyade. L'empire omeyyade, et c'était sous l'ordre de Walid ibn Abd al-Malik. Al-Walid, qui était un calife des omeyyades. Al-Walid ibn Abd al-Malik. C'est à son époque, c'est lui qui a ordonné qu'il y ait Tawsi'a. Tawsi'a, vraiment l'expansion, l'agrandissement de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, jusqu'à pas très longtemps, il y a eu encore une expansion, par exemple, du Masjid al-Haram à la Mecque. Du fait qu'il y a de plus en plus de pèlerins, de gens, il faille donc agrandir la mosquée. Et donc, à l'époque de Al-Walid ibn Abd al-Malik, il fallait agrandir la mosquée du prophète. Et donc, ils ont fait cette expansion, ils ont agrandi, et de ce fait, il a fait son ijtihad et il a introduit l'appartement de Aïcha. Et ils disent, à l'époque, c'était sous la supervision de l'émir de Médine. De l'émir de Médine, qui était Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz, qui deviendra plus tard calife. Hein, calife de l'empire omeyyade. Mais à cette époque-là, lui, il est émir de Médine. Il est émir de Médine et supervisera cela par ordre de Walid ibn Abdelmalik. Mais à cette époque, il est dit que de nombreux savants n'étaient pas d'accord. Et que ça, c'était l'opinion du calife, de Al-Walid ibn Abd al-Malik. Mais sinon, min a'immat al-Islam, ou min a'immat al-Ilm, ou min a'immat al-Hadith, qui n'étaient pas d'accord. Lam yuwafiqu ala hadha. N'étaient pas d'accord sur cela. Al-Muhim, donc, après observation et étude, on voit que la tombe du prophète, ala kulli hal, est adjacente à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle est séparée de murs, donc elle n'est pas, en réalité, elle ne fait pas partie de la mosquée. Et on voit en plus de cela qu'elle est protégée. Et c'est ça qui est vraiment immensément étonnant. C'est que la tombe du prophète, elle est protégée. Il y a trois murs qui la protègent. Même celui qui voudrait adorer, invoquer le prophète, il ne pourrait se rapprocher de sa tombe et le faire. Et subhanallah, lorsqu'on médite le hadith ou que le prophète, il invoquait Allah Azza wa Jalla. Allahumma la taj'al wathani ou Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Lorsque le prophète a dit ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Traduction relative. Donc on voit que le prophète Sam, il a invoqué Allah Azza wa Jalla. Il ne voulait pas que sa tombe soit un lieu d'adoration. Mais des musulmans aujourd'hui, ils veulent que ce soit un lieu d'adoration, subhanallah. Le prophète l'a dit, le hadith est authentique. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ô Seigneur, ne fais pas de ma tombe un temple adoré ou une idole adorée. C'est bien la volonté du messager d'Allah. Et on voit, regardez, tous ces siècles. Subhanallah. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut dire, avec l'écoulement des siècles et du temps, que la tombe du prophète elle était adorée? Hajib. C'est même qu'à un moment, des gens étaient venus pour la déterrer. Ils voulaient déterrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens. Et ils sont arrivés jusqu'à Jeddah, il est dit. Ils voulaient aller à la Mecque, ils voulaient aller à Médine, à l'époque, pour déterrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour vraiment affliger l'humiliation. Ils n'ont pas pu. Wallahi alhamd. La tombe, regardez, elle est protégée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que le prophète, Allah lui a exaucé sa demande. Jusqu'à aujourd'hui, des gens voudraient l'adorer. Des gens voudraient se vautrer, hein, yatamarrauna wa yatamassahuna biqabri, lakin la yastati'un. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et c'est pour ça qu'on invoque aussi pour ces gens qui sont tout le temps là à protéger la tombe du prophète, à enseigner aux gens. Il y a des gens vraiment qui se fatiguent, qui sont là à parler aux gens, qui viennent. En plus, ce qui est légiféré, c'est que lorsqu'on passe devant la tombe du prophète, as-salam, c'est de le saluer. As-salamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. On passe, on dit cela. Ensuite, on dit as-salamu alayka ya Abu Bakr. Wa as-salamu alayka ya Omar. Et on salue de cette façon. Et ensuite, on s'en va. Mais là, les gens ne nous laissent pas saluer. Il y a un monde immense alors qu'ils pourraient. Vite, il y a juste saluer le prophète, as-salam. Assalamu alaykum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, par exemple, de cette manière. Mais il y a des gens qui restent de longs moments à obstruer le chemin, à invoquer, on ne sait pas ce qu'ils disent, ils ont même des livres, ils s'arrêtent, ils bloquent le passage, Il s'arrête, il sort son livre, ça y est. Il peut rester des heures comme ça. Alors qu'il n'a juste à saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il laisse la place aux autres. Ensuite, il peut revenir dans la mosquée et là, il serait plus bénéfique de se mettre dans un coin, d'invoquer Allah, de prier. Mais il y a des gens qui sont dans l'excès. Ils sont tellement dans l'excès, ils pensent qu'ils font bien. Ils ne se limitent pas à ce qui nous a été enseigné. C'est comme pour Dhul-Hulayfa. Un jour, il fallait faire le miqat. Le miqat, vous avez vu, lorsque le pèlerin il veut se mettre en état d'ihram, de Médine, c'est à cet endroit, Dhul-Hulayfa. Et donc ensuite, pour ensuite aller faire le pèlerinage, donc se mettre en état de sacralité pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, ce qui nous a été enseigné, c'est de faire aller ihram fi Dhul-Hulayfa, fi Dhul-Hulayfa. Et là, un jour, il y a des hommes, à l'époque de l'imam Malik, ils ont dit à l'imam Malik, « Ya imam, on peut juste faire l'ihram ici, là, à cet endroit. » C'était à une petite distance de Dhul-Hulayfa, quelques mètres de Dhul-Hulayfa. Après, l'imam Malik leur a dit, « Là ? Ah non ?» Ils ont dit, « Ya imam, c'est juste quelques mètres. Ya imam. » Après, l'imam leur a dit, « Akhsha alaykum al-fitna. » J'ai peur pour vous de la tentation, de l'épreuve. C'est ok, fa ya imam. C'est juste une histoire de maître. On va faire là. Et là, l'imam Malik de leur dire, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ الآية. Amr man. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les exégètes du verset, ils ont dit qu'Allah, il a dit que prennent garde ceux qui contredisent l'ordre du messager d'Allah. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'une fitna les atteigne ou bien qu'un châtiment douloureux les touche. C'est une histoire de quelques mètres. Le prophète nous a enseigné Dhul-Hulayfa, c'est le miqat. C'est le miqat. Le prophète nous a enseigné de saluer, une manière de saluer. Wahakada. Et beaucoup de gens sont dans l'excès. Juste pour se quitter, parce que toujours là, ça fait quelques jours, on n'a pas cité un hadith sur le bienfait des mosquées. On va essayer de faire plus, si Allah nous permet, demain. Mais on se quitte avec un hadith. Juste au moins, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Huraira, radiyallahu ta'ala an, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qal, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya, wa yarfa'u bihi al-darajat. Qalu, bala ya Rasulallah. Qala, isbaghu al-wudu'i, على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. Alors là on a une bonne nouvelle. Là, regardez, le prophète sallam était un annonciateur de bonnes nouvelles, comme les prophètes. يبشر و فهو نذير ومبشر. Regardez, le prophète sallam nous dit. Un jour il s'adressa à ses compagnons. Et c'est rapporté par Abu Huraira. Rahimallahu Abu Huraira wa ummah. Qu'Allah accorde la miséricorde à Abu Huraira et à sa mère. Et à sa mère. Vous savez, un jour, Abu Huraira, il est rapporté qu'Abu Huraira faisait partie des compagnons vraiment qui étaient bons avec sa mère. D'ailleurs, il était la cause de la conversion de sa mère. Et il est dit que jamais il sortait pour aller faire la prière sans qu'il passe, il tape chez sa mère et il invoque la miséricorde pour sa mère et il la salue. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummi. Une traduction, relativement. Et toujours il saluait sa mère. Et lui disait, qu'Allah t'accorde la miséricorde comme tu m'as éduqué quand j'étais petit. Et sa mère lui répondait au salam, il lui dit, qu'Allah t'accorde la miséricorde comme tu t'occupes de moi alors que je suis en âge avancé. Et un jour, Abu Huraira, il a dit qu'Allah accorde la miséricorde à tous ceux qui m'aiment moi et ma mère, et qui demandent le pardon pour lui et sa mère. Alors, s'il a le dua à Mustajab, l'invocation exaucée, en faisant cette invocation, c'est comme s'il invoque pour nous. Donc, de ne pas se priver de cela. Abu Huraira, regardez. Il a rapporté immensément, beaucoup de hadiths, plus de 5000 hadiths. Pourquoi ? Il ne voulait pas cacher la science. Il avait peur d'être ressuscité comme dissimulateur de savoir. C'est pour cela. Sinon, il a dit, je n'aurais pas rapporté les récits. Il rapporte, il dit, un jour, le messager d'Allah, sans leur a dit, « Ala adullukum على ما يمحو به الله أو ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Ne vais-je pas vous indiquer une chose par laquelle Allah Azza wa Jal efface les fautes et élève en degré? Ça, c'est tous les croyants veulent ça. Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Allah, il efface les fautes. On n'a pas fait des fautes aujourd'hui? Hier? Les jours passés, on a fait des fautes. Là, on a une action. Si on l'a fait, Allah, il nous efface des fautes. Al-khataya. On en a. Et par contre, en plus de cela, il nous élève en degré. Yarfa' ad-darajat. C'est pas juste l'effacement. En plus, yamhou, ça veut dire que c'est effacé. Vous savez, les savants, ils disent effacé, ça veut dire que c'est effacé. C'est plus à votre actif. Ça n'existe plus. C'est complètement effacé. Et Allah élève en degré. Alors, là, lorsqu'il interrogea ses compagnons, les compagnons ont dit, bala ya Rasulallah. Oh, bien sûr, dis-nous. C'est quoi cette chose? Cette chose par laquelle nos fautes seront effacées et on sera élevé en degré. C'est quoi au messager d'Allah? Et là, le prophète Sansam va dire une chose. C'est pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Quand on entend ça, on se dit que ça va être une grande action, une chose, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ben, ça va être une chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire ça. Subhanallah. Le prophète Sansam dit, Isbar al-wudu'i ala al-makari. Bien faire ses ablutions. Tout le monde peut bien faire ses ablutions. Et celui qui est malade, qui ne peut pas faire ses ablutions, alors il est permis qu'une tierce personne lui fasse ses ablutions. Et s'il ne peut pas, il peut faire tayammum ou autre. El-Muhim, celui qui peut bien faire ses ablutions. Il fait bien ses ablutions. Ensuite, le prophète sallam dit « Kasratul khuta ila al-masajid » et faire des pas pour aller à la mosquée. Alors ceux d'entre vous qui sont venus, qui ont fait des pas pour venir à la mosquée, peut-être vous avez oublié ces pas. Vous avez oublié votre fatigue. Vous êtes sorti de chez vous pour faire ces pas, pour venir fi bayt min buyutillah. Et bien sachez que ces pas-là sont comptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne délaisse rien et n'oublie rien. Tout ce que vous avez fait, c'est écrit. C'est inscrit. Regardez. فَقَالَ وَانْتِذَارُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Et attendre, après une prière, attendre l'arrivée de l'autre prière. فَذَلِكُمُ الرِّبَاتِ رَوَاهُ مُسْلِمُ. Et bien donc, la cause pour qu'on a l'effacement de nos fautes et qu'on soit élevé en degré, faire bien les ablutions et faire des pas en venant à la mosquée. Subhanallah. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète Sansam qala man tatahhara fi bayti thumma masha ila bayti min buyuti llahi liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatahu aw khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u daraja rawahu Muslim. Et pour terminer, c'est pour ça que le prophète a dit, celui qui fait bien ses ablutions fi baytihi, ensuite masha, il sort de chez lui, il s'en va, il marche pour aller vers une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal. Pour faire quoi? Pour accomplir une prière prescrite parmi les prescriptions, littéralement. Kanat khatwata. Ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u darajat. Eh bien, il y a un pas. Lorsque vous avez vu, il fait un pas. Ça lui efface des fautes. Il fait l'autre pas, il est élevé en degré. C'est pour ça que les savants disent qu'il faut se remémorer ça. Imaginez-vous celui qui marche, un pas, effacement de fautes. L'autre pas, l'autre pied que vous allez avancer, vous êtes élevé en degré. Vous faites un autre pas, et comme cela, auprès d'Allah Azza wa Jalla, regardez la miséricorde de notre Créateur, Wallahu A'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, وآلي وصحبي أجمعين فنسأل الله أن يتقبل منا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وأعمالنا وعبادتنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلي وصحبي أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك